Matthieu chapitre 17. Et 6 jours après, Jésus prit Pierre, et Jacques, et Jean, son frère, et les mena à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré en leur présence, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, ils virent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Alors Pierre prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, faisons-y, si tu le veux, 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante, qui les couvrit de son ombre, puis voilà une voix qui vint de la nuée, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir, écoutez-le. » Ce que les disciples ayant ouï, ils tombèrent le visage contre terre, et eurent une très grande peur. Mais Jésus s'approchant, les toucha, en leur disant, « Levez-vous, et n'ayez point de peur. » Et eux levant leurs yeux, ne virent personne, que Jésus tout seul. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur commanda, en disant, « Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Et ses disciples l'interrogèrent, en disant, « Pourquoi donc les scribes disent-ils, qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et Jésus répondant, dit, « Il est vrai qu'Élie viendra premièrement, et qu'il rétablira toutes choses. Mais je vous dis, qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, ainsi le Fils de l'homme doit souffrir aussi de leur part. » Alors les disciples comprirent, que c'était de Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. Et quand ils furent venus vers les troupes, un homme s'approcha, et se mit à genoux devant lui. Et lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. Et je l'ai présenté à tes disciples, mais ils ne l'ont pu guérir. » Et Jésus répondant, dit, « Ô race incrédule, et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus censura fortement le démon, qui sortit hors de cet enfant, et alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus, et lui dirent, « Pourquoi ne l'avons-nous pu jeter dehors ?» Et Jésus leur répondit, « C'est à cause de votre incrédulité, car, en vérité, je vous dis, que si vous aviez de la foi aussi gros, qu'un grain de semence de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Mais cette sorte de démon ne sort, que par la prière et par le jeûne. Et comme ils se trouvaient en Galilée, Jésus leur dit, « Il arrivera que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et qu'ils le feront mourir, mais le 3e jour il ressuscitera. » Et les disciples en furent fort attristés. Et lorsqu'ils furent venus à Capernaüm, ceux qui recevaient les 10 drachmes s'adressèrent à Pierre, et lui dirent, « Votre maître ne paie-t-il pas les 10 drachmes ?» Il dit, « Oui. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint, en lui disant, « Qu'est-ce qu'il t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui prennent-ils des tributs, ou des impôts ? Est-ce de leurs enfants, ou des étrangers ?» Pierre dit, « Des étrangers. » Jésus lui répondit, « Les enfants en sont donc exempts. Mais afin que nous ne les scandalisions point, va-t'en à la mer, et jette l'hameçon, et prends le premier poisson qui montera, et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un stataire, prends-le, et le leur donne pour moi et pour toi. »